Bonjour à vous tous et bienvenue à ce journal. Nous sommes le 13 mars 2019. Voici les grands titres de cette édition. La fin de mission en Somalie pour les 600 militaires burundais qui doivent rentrer, comme en a décidé l'Union africaine, sera conditionnée par la sécurité du reste du contingent envoyé dans ce pays pour le maintien de la paix. Et le ministre de l'Éducation a déclaré ce mardi que les points offerts gratuitement aux élèves font partie des causes de violence basées sur le genre. Elle s'exprimait ce mardi à l'occasion du lancement par CARE Burundi d'une campagne de lutte contre les violences basées sur le genre à Mugongo-Manga, c'est en province de Bujumbura. Et dans la série de présentations des projets de société, le parti UPRONA, dans son projet, envisage le développement et le rétablissement du secteur industriel au Burundi. Et en actualité internationale, à 16 jours de la date officielle du Brexit, le Royaume-Uni est plongé dans une immense incertitude avec le rejet ce mardi par les parlementaires britanniques de l'accord de sortie de l'Union européenne conclu par la première ministre Theresa May. C'était ce lundi à Strasbourg. Il s'agit d'un second refus en 2 mois. Voilà pour les grands titres. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour. Des violences faites aux filles entraînant des grossesses non désirées sont rapportées dans certaines écoles de la commune de Mugongo-Manga en province de Bujumbura, comme l'indiquent certains élèves du lycée communal d'Ijenda. Cependant, une des stratégies qu'ils vont développer pour contrecarrer ces violences, c'est de se mettre à l'écart des garçons animés de mauvaises intentions. Le directeur communal de l'enseignement appelle tous ses enseignants à considérer leurs élèves comme leurs nièces. C'était lors d'une campagne de lutte contre les violences basées sur le genre. Une campagne organisée par CARE Burundi à Mugongo-Manga, en province Bujumbura, ce mardi. Vestine Butoyi a été là pour nous. Voici son reportage. Chanson d'ouverture des activités de la campagne de lutter contre les violences basées sur le genre. Dans cette campagne, diverses leçons ont été données par des élèves du lycée communal d'Ijenda via leur sketch. Ces élèves ont montré comment dans une famille, les parents peuvent refuser le droit d'aller à l'école à une jeune fille, ce qui n'est pas le cas pour ses frères. Et en classe, ils ont évoqué l'oppression des filles par leurs délégués de classe. Cependant, toujours via leur sketch, ils se sont revenus sur des garçons modèles qui luttent contre des violences faites à ses camarades d'école en mettant au même pied d'égalité les garçons et les filles. Certains élèves disent que même si les violences faites aux filles ne sont pas encore observées dans leur milieu, ils ne doutent pas qu'elles peuvent être présentes ailleurs. Pour ceux, certaines des stratégies qu'elles vont développer est celle de se mettre à l'écart des garçons mal appris en vue d'éviter des grossesses non désirées. Concernant les élèves qui gagnent des points gratuits de la part de leurs enseignants, il les conseille de travailler dur pour qu'elles puissent gagner des points honnêtes. Le directeur communal de l'enseignement, Vianney Ndaisenga, appelle tous les enseignants à considérer leurs élèves comme leurs nièces. L'appel que je lance à l'endroit des éducateurs, c'est de prendre les élèves comme les enfants. Et à l'endroit des élèves, je les conseillerais de ne pas se lancer dans des comportements de vagabondage sexuel. Parce que si une fille est engrossée par un garçon, peut perdre la valeur d'une fille bien éduquée. Cette campagne s'était focalisée sur des violences faites aux filles. Vestine Butoyi, au cours de cette campagne, la ministre de l'Éducation a déclaré que les points offerts gratuitement aux élèves font partie des causes de violences basées sur le genre. Janvier Ndilahisha ajoute que la meilleure façon de lutter contre ces violences basées sur le genre, c'est d'associer les hommes dans cette lutte lors des réunions de sensibilisation. Janvier Ndilahisha affirme qu'il y a déjà un pas franchi, car actuellement, la plupart des gens sont au courant de diverses formes de violence. Suivez-la au micro de Vestine Butoyi. Nous avons pensé organiser cette activité de sensibilisation des jeunes sur les violences basées sur le genre afin de dire tolérance zéro aux violences. Alors nous avons pensé aux jeunes parce que dans les écoles, il y a les filles et les garçons, mais surtout la jeunesse burundaise constitue une part importante par rapport à la population totale. Donc, les filles et les garçons à l'école, s'ils puissent penser à la lutte contre les violences basées sur le genre ensemble et en route vers la maison ou en route de la maison vers l'école, nous pensons que c'est une manière finalement de comprendre qu'il faut lutter contre les violences basées sur le genre. À part les abus sexuels, quelles sont les autres formes de violences faites aux élèves en particulier? Je considère comme aussi violences basées sur le genre, surtout ces filles qui reçoivent des points gratuitement, soit en couchant avec leurs éducateurs ou en couchant avec d'autres personnes qui interviennent. Ça, c'est une violence parmi les autres. Mais aussi, lorsque tu obtiens un diplôme que tu n'as pas mérité dans la vie, pour moi, je considère ça comme aussi une violence. Surtout que si on va te confier un poste quelconque ou si on te donne du travail, tu ne pourras pas réaliser ce travail parce que tu ne sais rien. Aujourd'hui, les activités de lutter contre les violences faites aux femmes basées sur le genre s'évaluent à quel niveau? Pour le moment, je pense que c'est très difficile de parler d'un pourcentage. Mais je pense que nous avons franchi un pas très significatif. Premièrement, les violences maintenant sont connues par tout le monde. La deuxième chose, c'est que l'État a pu élaborer des textes, des lois pour lutter contre ces violences basées sur le genre. Mais le problème que nous avons, c'est que probablement qu'il y a des populations qui ne sont pas au courant de ces textes, qu'on demande au gouvernement, aux différentes associations de tout faire pour que les différents textes qui ont été signés soient vulgarisés auprès de la population. Mais je souhaiterais aussi que les activités organisées dans le cadre de lutte contre les violences basées sur le genre, qu'on organise des activités en invitant les hommes et les femmes. Et quel appel pourriez-vous lancer à l'endroit de la population en général et à l'endroit de la jeunesse en particulier? J'appelle les Burundais et les Burundaises de tout faire pour les éradiquer. Et surtout les jeunes qui grandissent, sachant que les violences basées sur le genre doivent être éradiquées à travers tout le pays. La ministre Geneviève Ndirahisha, on parle toujours des jeunes, en parlant des jeunes réunis au sein du réseau des jeunes vivant avec le VIH-SIDA, qui disent avoir gagné beaucoup depuis qu'ils ont intégré le groupe. Auparavant, ils ne comprenaient pas du tout comment faire face à leur séropositivité, mais ils encouragent les autres aujourd'hui à lutter contre cette peur qui les empêche d'atteindre leurs objectifs d'avenir. Francine Ndiokougaïou. Ils n'en revenaient pas quand ils ont appris qu'ils sont porteurs du VIH-SIDA. Ils sont membres du réseau des jeunes burundais vivant avec le VIH-SIDA qui compte aujourd'hui plus de 500 membres. Cette jeune demoiselle dit qu'elle ne savait même pas ce qui lui arrivait et s'étonnait tout simplement de voir tout le monde s'occuper d'elle tout d'un coup. Les gens commençaient à avoir trop pitié de moi. Ils me rendaient visite souvent et moi je me demandais pourquoi ils s'occupaient plus de moi. À l'école, j'ai été victime de discrimination puisque tout le monde, même les enseignants, m'ont critiqué. Quand j'ai appris que j'ai une maladie incurable, j'ai eu peur. J'ai même arrêté de prendre les médicaments. Ces deux autres avouent avoir pensé à se suicider parce que pour eux, le sida signifiait à l'époque que la personne devait nécessairement mourir. Quand le médecin m'a donné les résultats, je me suis sentie comme si c'était un choc. Il ne m'avait pas préparée psychologiquement. Je suis brusquement sortie de son bureau en criant. Il a essayé de me calmer, mais en vain. Je ne voulais parler à personne. J'ai même tenté de me suicider. Je n'avais aucun espoir de vivre. Je me suis senti désespéré et sans avenir. C'était comme si je ne pourrais jamais réaliser mes rêves. Le sida, c'était synonyme de la mort à l'époque. C'était le désespoir total. J'ai aussi tenté de me suicider. Je me sentais comme s'il ne me restait que quelques jours pour mourir. Non plus, il n'y avait pas encore de médicaments. L'annonce tardive de la séropositivité peut entraîner des conséquences chez un jeune adolescent. Le psychologue Fabrice Nikouze de la NSS fait savoir que les parents sont appelés à améliorer la communication avec leurs enfants pour de meilleurs résultats. Certains parents ont peur et restent réticents et attendent jusqu'à ce que l'enfant soit adolescent, jusqu'à l'âge de 14, 15, 16 ans, même plus. Et ça, c'est une situation problématique. Si on attend longtemps à faire l'annonce, il peut y avoir des conséquences. Il y a l'enfant, plutôt l'adolescent, qui va arrêter carrément le traitement. Il va dire qu'il est bien portant, il n'a pas de maladie, qu'il n'y a pas raison de continuer à prendre le traitement. On sensibilise les parents, même les inviter à pouvoir améliorer la communication avec leurs enfants pour qu'on évite ce genre de réaction qu'on observe parce qu'on a tardé à annoncer la séropositivité aux adolescents. Pour les enfants orphelins, on collabore avec les tuteurs. On les met dans le même groupe des parents et on les prépare ensemble. Ces jeunes témoignent que se retrouver ensemble au sein du RNG+, leur a permis de comprendre qu'ils doivent mener un combat pour atteindre leurs objectifs. Aujourd'hui, ce sont eux qui assistent les parents dont les enfants éprouvent toujours des difficultés à accueillir leur séropositivité, nous ont-ils déclaré. C'était un reportage de Francine Diokougaï. On parle maintenant des infrastructures scolaires. Certaines écoles fondamentales en commune Guitéragné souffrent de l'insuffisance des salles de classe. C'est le cas de l'Ekoforo Wenga, où à la moindre pluie, une partie des élèves quittent leur classe en mauvais état pour s'abriter dans trois salles de classe en bon état. Correspondance de Dieudonné Zeyman. À l'école fondamentale Rubenga de la commune Guitéragné, des enfants sont répartis en 9 groupes pédagogiques. Seulement 3 salles de classe sont bien construites pour permettre un bon enseignement. Le reste des élèves suivent les cours dans des salles construites par les parents. Des classes couvertes d'automne, des murs érigés avec des bois et des roseaux. Et par endroits, ces classes sont déjà endommagées. Les enfants souffrent. Du froid, les habits et matériels scolaires abîmés. Et quand la pluie tombe, ils vont s'abriter dans les 3 classes bien construites. Le mois dernier, le directeur provincial de l'enseignement à Muyinga, dans une réunion des natifs de cette province, a demandé aux administratifs de construire de nouvelles salles de classe. Le gouverneur de la province Muyinga a recommandé une implication des responsables de l'éducation lors des planifications des communes pour remédier à la situation. De Rubenga, en commune Guitéragné, Dieudonné Nzeyimana pour la radio Isanganiro. La radio de l'avenir. Dans la série de présentations des projets de société des partis politiques, aujourd'hui nous parlons du parti UPRONA qui, dans son projet, envisage le développement et le rétablissement du secteur industriel au Burundi. Abel Gachati, président de ce parti, promet également la réorganisation des domaines de l'agriculture et de l'élevage qui devraient être révisés pour lutter contre le chômage. Il dit également que les ressources énergétiques doivent augmenter pour atteindre le développement durable. On l'écoute. Au sein du parti UPRONA, un parti historique, un parti qui a donné l'indépendance à notre pays, on doit avoir un projet de société à soumettre aux électeurs, à nos militants. Donc le projet du parti UPRONA est en cours d'élaboration. Mais concernant les points principaux que nous allons mettre dans ce projet, l'UPRONA c'est un parti qui voit la situation actuelle, les conditions de vie de la population burundaise. Donc on ne peut pas prévoir un projet de société au Burundi sans toucher le volet pauvreté, le volet économie. Donc, on voit que pour le moment, l'économie de la population burundaise n'est pas au bon fixe. Donc, c'est pourquoi nous allons nous atteler au développement de notre pays. Et surtout, vous voyez qu'il y a un problème de chômage, il y a un manque d'emploi qui est là. Donc, l'UPRONA compte et renforcer l'économie, surtout dans la réouverture des industries fermées. À l'époque de l'UPRONA, on avait des industries comme Lovenco, comme Verundi. Pour le moment, ce sont des industries fermées et l'UPRONA va les ouvrir pour l'intérêt de la population burundaise, pour l'intérêt du pays. Autre chose, nous allons développer la villagisation du pays. Donc les populations burundaises sont pour le moment éparpillés sur les collines. Nous allons essayer de les regrouper, de les mettre ensemble et développer le secteur énergétique. Car un pays ne peut pas penser au développement sans énergie. Donc, nous allons renforcer le secteur de l'énergie et dans ce cas, il y aura ouverture des petites industries, des usines de transformation et de là, nous allons renforcer le développement de l'agriculture et la culture qui seront obtenues à partir de cette les cultures obtenues à partir de cette agriculture, les récoltes seront traitées dans cette usine et de là, on aura la population burundaise aura de quoi consommer et de quoi vendre. Autre chose, nous allons essayer de renforcer la diplomatie, les bonnes relations avec le monde extérieur, surtout les pays voisins. Cela va quand même rassurer la population burundaise à circuler librement et avoir quand même une économie burundaise qui ne sera bloquée par les frontières d'autres pays. Il y a d'autres projets de développement qu'on envisage et que nous allons mettre au grand jour quand notre projet de société sera terminé et ce projet de société sera soumis à l'écoute de tout le peuple burundi, y compris les Badasigana. Vous n'êtes pas le premier à élaborer et présenter le projet de société. Est-ce que ce n'est qu'en verbal? Non, le parti IPRONA, ce n'est pas pour la première fois qu'il met au grand jour son projet de société. Quand l'IPRONA se décide de mettre au grand jour son projet de société, il doit quand même prendre le temps de voir si ce projet est réalisable. Le président du parti IPRONA, Abel Gachati, au micro de l'Inibel Nivigira. La fin de mission en Somalie pour les 600 militaires burundais sera conditionnée par la sécurité du reste du contingent burundais. Précision du chef de l'état-major lors d'une émission la semaine passée sur les activités de l'armée burundaise. Le lieutenant-général Prime Niyongabo a souligné que le commandant du contingent burundais devra prendre des stratégies compte tenu des opérations dans le secteur 5 de l'AMISOM. Suivez-le, il est traduit en français par Aubin Niyongourou. Les 400 militaires qui sont déjà rentrés sont ceux qui étaient prêts avant le 28 février dernier. Nous avons essayé de bien organiser le secteur 5 de notre contingent compte tenu de l'ennemi qui est là ainsi que de l'activité quotidienne. Les experts militaires avaient montré que c'est ce nombre avoisinant les 400 qui devraient être retirés. Ce sont les 400 que notre contingent a pu ramener de différentes positions sans déstabiliser le reste de nos troupes ou les Somaliens eux-mêmes et autres dans ce secteur. Donc, pour les 600 qui restent, nous avons demandé au commandant contingent d'expliquer aux représentants de la MISOM qu'il y aura des casses, car si les 600 rentrent, cela entraînerait notre départ sur différentes positions de notre contingent. C'est pour cela que nous avons demandé au commandant du contingent burundais de s'adresser au commandant des forces en Somalie et il l'a fait. Si nous analysons l'ordre du commandant des forces à notre commandant contingent, il lui a dit que les Burundais qui opéraient à Kismayo, un secteur où se trouvaient les Burundais, Kenyans et Éthiopiens, vont regagner le secteur 5. Si le commandant contingent reçoit ceux qui rentrent de Kismayo, il pourra leur réorganiser les positions de son secteur. S'il parvient à avoir les 600, il pourra alors les faire rentrer sans casse. Nous lui avons demandé de prendre des stratégies avec le reste du contingent, vu leur sécurité en premier lieu et leur travail en deuxième lieu. L'heure est au processus. Il montrera aux dirigeants de la MISOM. Si ceux-ci sont d'accord, le commandant de notre contingent nous informera. La priorité, c'est la sécurité du reste du contingent et ses opérations quotidiennes. Le lieutenant-général Prime Niyongabo, chef d'état-major de l'armée burundaise. Et 7 élèves de l'école fondamentale Akamuri en province Kirundo ont été arrêtés ce mardi. Elles sont accusées de falsification du portrait du chef de l'État. Le procureur de la République à Kirundo confirme cette arrestation. Nous appelons notre correspondant Agnès Naumagazé pour les détails. Comme l'indique le procureur du parquet de Kirundo, ces élèves de l'école fondamentale à Kamuri sont arrêtés depuis ce mardi soir et que 6 parmi eux sont emprisonnés pour des raisons d'enquête. Les parents de ces élèves affirment que leurs enfants seraient accusés d'avoir gribouillé la photo du président de la République imprimée dans le livre de sciences humaines de la classe de la 6e année fondamentale. L'un de ces 7 élèves n'a que 16 ans. Il est pour le moment à la maison car l'âge de la responsabilité pénale est de 15 ans et plus. Les parents de ces élèves réclament que la justice soit faite et implore le pardon pour ses enfants mineurs car ils sont innocents. L'âge des élèves emprisonnés varie entre 15 et 17 ans et que toutes sont des jeunes filles. De Kirundo, Agnès Maumagadze pour la radio Isanganiro. Merci Agnès. Également dans l'actualité, des personnes vivant dans les alentours du passage d'un tuyau d'évacuation des eaux usées se trouvant sur l'avenue Sanzou dans le quartier Mutanga Sud, à mairie de Bujumbura, se plaignent des mauvaises odeurs sortant de ce tuyau cassé. Ces personnes font par ailleurs remarquer que les déchets des toilettes des maisons environnantes polluent la rivière Nangwa. Elles demandent donc aux autorités de prendre en main cette question pour éviter les maladies des mains sales. C'est un reportage d'Ornella Mucho. Une odeur nauséabonde t'accueille lorsqu'on approche cet égout se trouvant sur l'avenue Sanzu dans le quartier Mutanga Sud. En s'approchant de près, on observe l'eau sale mélangée avec les excréments. Nidigama Théodore, qui vend des unités à quelques 2 mètres de ce tuyau cassé, indique que cette mauvaise odeur s'aggrave souvent vers le matin. En amont, il y avait un tuyau qui acheminait ces déchets dans la fosse septique, mais après sa destruction, il y a à peu près 3 ans, les déchets de ces toilettes se déversent directement dans ce tuyau cassé. Les charbonnières Evelyne Hakidimana, qui travaille elle aussi tout près de ce tuyau cassé, indique qu'elle a peur des maladies des mains sales qu'elle peut y attraper si rien n'est fait dans l'immédiat. Normalement, quand la pluie tombe, ce tuyau fait sortir une odeur nauséabonde. Par exemple, vers le matin, personne ne peut s'asseoir ici. On a peur qu'on peut y attraper des maladies des mains sales si rien n'est fait. C'est pour cela qu'on demande de préparer ce regard. Ces déchets provenant des toilettes observés dans ce tuyau cassé se déversent dans la rivière Nahangwa qui les achemine vers le lac Tanganyika. Merci Ornella Mucho. Et pour boucler ce journal, en actualité internationale, en bref, en République démocratique du Congo, les libérations annoncées par le nouveau président se font attendre du moment où Étienne Tshisekedi avait promis que la question sera réglée dans 10 jours. Et le président Macron, dans sa tournée en Éthiopie et au Djibouti, joue sa carte face à la Chine, prônant des partenariats respectueux et hors du continent africain. Ce mardi, le Parlement britannique a encore une fois rejeté l'accord conclu par Theresa May sur la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques de m'avoir aidé à réaliser ce journal. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. À mon après-midi.